السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لوتر ابن القيم رحمه الله تعالى، après nous avoir parlé de la guidée, il conclut en disant: وتأمل حكمة الله سبحانه في الدارين تعلم حينئذ علما يقينيا لا شك فيه أن الدنيا مزرعة الآخرة أن الدنيا مزرعة الآخرة وعنوانها. ابن القيم رحمه الله تعالى ندي médite sur la sagesse d'Allah, exempt soit-il de tout défaut, médite sur cette sagesse dans les deux mondes. Tu auras ainsi la certitude, exempt de tout doute, que ce bas monde est la terre de l'au-delà, est le champ de l'au-delà. C'est-à-dire que tu plantes dans ce bas monde et tu récoltes dans l'au-delà. وأن منازل الناس فيها من السعادة والشقاوة على حسب منازلهم في هذه الدار في الإيمان والعمل الصالح وضدهما وبالله التوفيق. Tu sauras également que le rang des gens et leur place, que ce soit dans le bonheur ou le malheur, la réussite ou l'échec, sera en fonction de leur place dans ce bas monde, dans la foi et les œuvres pieuses, ou leur contraire. C'est-à-dire, plus la personne est pieuse, plus elle a la foi, et plus elle œuvre vers Allah et la demeure de l'au-delà, plus sa place sera élevée et plus elle sera heureuse. À l'inverse, moins elle se rapproche d'Allah, moins elle a la foi, plus elle sera malheureuse. Il conclut avec cette phrase: فمن أعظم عقوبات الذنوب الخروج عن الصراط المستقيم في الدنيا والآخرة. Parmi les pires sanctions dues au péché, la sortie du chemin droit dans ce bas monde et dans l'au-delà. Parmi les plus grands châtiments qu'entraînent les péchés est qu'ils font sortir de la voie droite, tant dans ce bas monde que dans l'au-delà. Chapitre suivant. وَلَمَّا كَانَتِ الذُّنُوبُ متفاوتة في درجاتها ومفاسدها. Du fait que les péchés diffèrent dans leur degré et leur méfait, leurs sanctions diffèrent également, que ce soit dans ce bas monde ou dans l'au-delà. تفاوت عقوبتها في الدنيا والآخرة بحسب تفاوتها ونحن نذكر فيها بعون الله وحسن توفيقه فصلا وجيزا جامعا. Ici, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit qu'il nous mentionnera ici avec l'aide et la permission d'Allah un ensemble concis et global. Il va donc nous mentionner des péchés et différentes sortes avec leurs conséquences. Asluha naw'an, la base ou leur fondement est de deux types. Premièrement, tarku ma'mur. Deuxièmement, fi'lu mahzur. De manière générale, on peut résumer les péchés en deux grandes catégories, deux grands types. Premièrement, le délaissement de l'ordre d'Allah. Deuxièmement, l'accomplissement de l'interdit d'Allah. Par cela, Allah Azza wa Jal a éprouvé Adam alayhi salam et Hawa. Par cela, les djinns et les hommes ont été éprouvés. J'ai traduit par Adam et Hawa, je reviens sur cela. Précisément, Bihima Taïm. Wahuma al-Dhambani al-Ladhani ibtalallahu subhanahu bihima abawayl jinni wal-ins. Par ces deux-là, qu'Allah a éprouvé les pères des djinns et des humains. وكلاهما ينقسم باعتبار محله لا ظاهر على الجوارح وباطن في القلوب. Ces deux types se décomposent entre ce qui est apparent et visible sur les membres et ce qui est caché et se situe dans le cœur. وباعتبار متعلقه او متعلقه il a haqq illahi wa haqq khalqi. D'un autre point de vue, on peut diviser les péchés entre ce qui est relatif au droit d'Allah et ce qui est relatif au droit de ses créatures. Wa in kana kullu haqqin li khalqihi fa huwa mutadhamminun li haqqi. Même si en réalité, les droits des créatures sont liés à son droit. Si Allah Azza wa Jal qui nous les a légiférés, qui nous les a ordonnés. Mais on a décomposé ainsi, en parlant de droit des créatures et droit du créateur, car le serviteur peut renoncer à son droit. Le serviteur, lui, peut renoncer à son droit, ainsi il n'est plus obligatoire de s'en acquitter. ثم هذه الذنوب تنقسم إلى أربعة أقسام. Ceci étant dit, ou par la suite, on peut décomposer les péchés en quatre catégories. ملكية, شيطانية, سبوعية. Et rien ne sort de ces quatre catégories. La première catégorie, les péchés ayant trait à la royauté. La seconde, les péchés démoniaques. La troisième catégorie, les péchés ayant trait aux bêtes sauvages. Et enfin aux bestiaux. Premièrement, les péchés ont trait à la royauté. فذنوب الملكية أن يتعاطى ما لا يصح له من صفات الربوبية كالعظمة والكبرياء والجبروت والقهر والعلو واستبعاد الخلق. ويدخل في هذا الشرك بالرب تعالى وهو نوعان شرك به في أسمائه وصفاته وجعل الآلهة أخرى معه وشرك به في معاملته وهذا الثاني قد لا يوجب دخول النار وَإِنْ أَحْبَطَ الْعَمَلَ الَّذِي أَشْرَكَ فِي مَعَ اللَّهِ غَيْرَهِ. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit les péchés entrant à la royauté consistent à commettre, à s'adonner à ce qui ne convient pas des attributs de royauté, comme la grandeur, l'orgueil, l'omnipotence, la domination, l'élévation, la réduction à l'esclavage des créatures et d'autres. En fait également partie le polythéisme, le fait d'associer à Allah Azzawajal. Il y a deux types. L'association en ses noms et attributs, et le fait d'adopter une autre divinité en dehors de lui, et l'association en la relation, même si cette dernière n'implique pas l'entrée en enfer, n'implique pas forcément l'entrée en enfer, mais elle invalide l'action dans laquelle elle a été mêlée. Celui qui commet du shirk dans une œuvre, même s'il n'entre pas en enfer, il faut savoir que cette œuvre devient caduque et annulée, non acceptée par Allah tabaraka wa ta'ala. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit: وهذا القسم أعظم أنواع الذنوب. Cette catégorie, à savoir le shirk, est la catégorie de péché la plus gravissime. ويدخل فيه القول على الله بلا علم في خلقه وأمره. Entre dans cette catégorie le fait de dire sur Allah sans science, le fait de parler sur Allah, sur la religion d'Allah, sans science. فمن كان من أهل هذه الذنوب فقد نازع الله سبحانه في ربوبيته وملكه. Ainsi, celui qui est un adepte de ses péchés aura contesté Allah dans sa seigneurie, dans son royaume, et lui aura attribué un égal. وجعل له ندا وهذا أعظم الذنوب عند الله وينفع معه عمل. Ceci est le plus grand péché auprès d'Allah, et aucune œuvre n'est utile pour celui qui le commet. Celui qui donne un égal à Allah Azzawajal sera rejeté par Allah Azzawajal. Allah n'acceptera pas de lui l'adoration, quelle qu'elle soit. Car pour que l'adoration soit acceptée, comme on le verra, Inch'Allah, il faut deux conditions. La première, la sincérité. Il faut œuvrer pour Allah. Il faut chercher l'agrément d'Allah. Il faut chercher à se rapprocher d'Allah. La deuxième condition, la conformité avec la sunna du prophète, alayhi salatu wassalam. Allah nous dit: فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلِيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Quiconque fait des œuvres pieuses, ou plutôt quiconque espère la rencontre d'avec son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et n'associe à personne dans son culte. C'est le pire des péchés, donner un égal à Allah Azzawajal alors que c'est lui qui nous a créés. Le deuxième type, وَأَمَّا الشَّيْطَانِيَّ فَالتَّشَبُّهُ بِالشَّيْطَانِ فِي الْحَسَدِ وَالْبَغِي وَالْغِشِ وَالْغِلِّ وَالْخِدَاعِ وَالْمَكْرِ وَالْأَمْرِ بِمَعَاصِ اللَّهِ وَتَحْسِينِهَا وَالنَّهْيِ عَنْ طَاعَتِهِ وَتَهْجِينِهَا وَالْإِبْتِدَاعِ فِي دِينِهِ وَالدَّعْوَةِ إِلَى الْبِدَعِ وَالضَّلَالِ. وهذا النوع يلي النوع الأول في المفسدة وإن كانت مفسدته أو مفسدته دونه. Les péchés diaboliques sont ceux qui induisent une ressemblance avec Shaitan dans son envie, sa jalousie, sa transgression, sa tromperie, sa rancœur, son imposture, sa ruse, le fait qu'il commande le mal et l'embellit. Le fait d'innover dans la religion d'Allah, le fait d'inviter les gens à l'innovation et à l'égarement. Ce type de péché est gravissime, cependant, il est en dessous du premier type. Il est en dessous du premier type. Le troisième point est Sabouïa. Non. Les péchés ayant trait aux bêtes féroces sont les péchés de transgression, de violence. فذنوب العدوان والغضب وسفك الدماء والتثوب على الضعفاء والعاجزين ويتولد منها أنواع أذى النوع الإنساني والجرأة على الظلم والعدوان. Les péchés ayant trait aux bêtes féroces sont les péchés de transgression, de violence, d'effusion de sang, d'assaut des faibles et impuissants, dont découlent différentes formes de tort causé à l'humain, ainsi qu'un enhardissement à commettre injustice et transgression. Les péchés ayant trait aux bêtes féroces sont les péchés comprenant la transgression, la colère, le fait de faire couler le sang, de s'en prendre aux faibles, de les opprimer. Les péchés dans lesquels il n'y a pas de retenue ni de pudeur quant au fait de s'en prendre aux plus faibles. Troisièmement, wa amma dhunub al bahimiyya. Quant aux péchés ayant attrait les péchés bestiaux, ils sont semblables à la voracité, l'avidité à satisfaire ses désirs du ventre et du sexe, d'où découle la fornication, le vol, l'accaparement des biens des orphelins, l'avarice, la pingrerie, la lâcheté, la frayeur, l'inquiétude et autres. Cette catégorie regroupe l'essentiel des péchés des hommes, en raison de leur capacité à tomber dans les péchés ayant attrait à la royauté, en raison de leur incapacité à tomber dans les péchés ayant trait à la royauté aux bêtes féroces. Et par elles, ils entrent dans les autres catégories. Elles les y amènent par les rênes, d'abord aux péchés ayant attrait aux bêtes féroces, puis ceux ayant attrait à Satan, puis à la contestation de la Seigneurie, puis à l'occasion, puis à l'association dans l'unicité. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit que les péchés bestiaux sont les péchés qui visent à assouvir le désir dans l'illicite. Principalement le ventre et le sexe. De cela va découler la fornication, le vol, mais aussi le fait d'être avare et lâche. Le fait d'être avare et lâche. La personne va même jusqu'à voler et spolier les biens de l'orphelin. Et ces gens-là, en général, sont peureux. Ibn al-Qayyim nous dit que la plupart des péchés commis entrent dans ce type. Pourquoi ? Car ces gens-là n'ont pas la capacité d'entrer dans les autres catégories, où il faut le pouvoir, la domination, ou les péchés ayant attrait aux bêtes féroces, tout ce qui concerne la transgression, la violence. Donc, la plupart des gens qui sont dans le domaine des péchés sont dans les péchés bestiaux. Néanmoins, de ce péché-là, de ce type de péché-là, il tombe progressivement dans les autres types et les autres catégories. Ibn al-Qayyim rahimahullah attire notre attention sur un point très particulier. Il nous dit rahimahullah ta'ala wa man ta'ammala hadha haqq at-ta'ammul tabayyana lahu anna adh-dhunuba dahliz ay barid ash-shirk wal-kufr ومنازعة الله في ربوبيته. Celui qui médite cela comme il se doit constatera que les péchés constituent un couloir menant au polythéisme et à la mécréance et à la contestation de la seigneurie d'Allah. Subhanallah. Petit à petit, la personne manque de pudeur, de retenue, de foi, jusqu'à ce qu'elle défie Allah Azza wa Jal dans sa royauté. Et jusqu'à ce qu'elle creuse son propre trou, duquel elle ne pourra plus sortir, si ce n'est si Allah Azza wa Jal lui fait miséricorde. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Dans le chapitre suivant, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous citer une autre subdivision des péchés, à savoir les péchés majeurs et les péchés mineurs. وقد دل القرآن والسنة وإجماع الصحابة والتابعين بعدهم والأئمة على أن الذنوب كبائر وصغائر. قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما أي الجنة. وقال تعالى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر رواه مسلم. L'auteur rahimahullah ta'ala nous dit que le Coran, tout comme la Sunna, ainsi que le consensus des compagnons et de leurs successeurs et des imams après eux, indique que les péchés sont de deux catégories, les majeurs et les mineurs. Quant au Coran, dans Surat al-Nisa, la traduction du sens du verset, ceux qui évitent les plus grands péchés, ainsi que les turpitudes et qui ne commettent que des fautes légères. Ici, Allah Azza wa Jal a distingué les fautes légères, à savoir les petits péchés, des péchés majeurs. Dans le hadith, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit, ou avant ça, dans Surat al-Najm, Surat al-Najm, donc ce que je viens de traduire, c'est de Surat al-Najm. Quant au verset de Surat al-Nisa, si vous vous éloignez des grands péchés qui vous ont été interdits, on vous effacera vos péchés. Si vous vous éloignez des grands péchés que nous vous interdisons, on vous effacera vos péchés. On parle dans un premier temps des grands péchés et dans un second temps des autres, à savoir des petits péchés. Dans le recueil de l'imam muslim, le prophète alayhi salatu wa salam nous dit les cinq prières, d'un vendredi à l'autre, d'un jeûne de Ramadan à l'autre, expient les péchés commis entre-temps, effacent les péchés commis entre-temps. C'est-à-dire, yani, de quel péché s'agit-il? Lisons la suite. Expient les péchés commis entre-temps, et ce, tant qu'on s'écarte des péchés majeurs. C'est-à-dire, que d'une prière à une autre, obligatoire, de Ramadan au Ramadan de l'année suivante, les petits péchés sont effacés tant qu'on s'éloigne des grands. Ibn al-Qayyim poursuit et détaille l'expiation des péchés en disant « وَهَدِ الْأَعْمَالُ الْمُكَفَّرَةُ الْمُكَفِّرَةُ لَا ثَلَاثُ دَرَجَاتُ » Ces péchés, ces actions ou ces actes expiateurs ont trois degrés. Le premier, أن تقصر عن تكفير الصغائر لضعفها وضعف الإخلاص فيها والقيام بحقوقها بمنزلة الدواء الضعيف الذي ينقص عن مقاومة الداء كمية وكيفية. الثانية أن تقوم الصغائر ولا ترتقي إلى تكفير شيء من الكبائر. الثالثة أن تقوى على تكفير الصغائر وتبقى فيها قوة أو قوة التكفير بها تكفير بها بعض الكبائر. L'effet des bonnes œuvres dans l'expiation des péchés seront de trois niveaux. Le premier concerne les actes qui ne peuvent expier plus que les grands péchés, que les petits péchés. Dans le texte, j'ai et dans la traduction concerne les actes qui ne peuvent expier les péchés majeurs en raison de leur faiblesse, la faiblesse de la sincérité et du respect de leurs conditions, à l'image du remède faible qui ne peut lutter contre la maladie si dans tant dans sa quantité que dans sa nature. Il faudra que je regarde, que je revérifie, je regarde une autre version du livre pour être sûr de la traduction. Et ce que je comprends là, c'est comme il y a peu de sincérité et comme il n'a pas donné le droit à cette œuvre, son œuvre est trop faible pour expier les péchés. À l'image du médicament faible, soit dans sa posologie, soit dans sa manière d'être utilisé. Donc ça ne fait pas le travail. Le deuxième concerne les actes capables de lutter contre les péchés mineurs, mais ne peuvent s'élever jusqu'à l'expiation de quoi que ce soit des péchés majeurs. Donc, il fait une bonne œuvre, ça efface les péchés mineurs, mais ça n'est pas assez fort pour s'attaquer aux péchés majeurs. Le troisième degré concerne les actes capables d'expier les péchés mineurs. Et après ça, il garde une force capable d'expier certains péchés majeurs. Médite sur cela, car ça te permettra de lever de nombreux problèmes. Le prophète alayhi salatu wassalam nous a montré dans les textes qu'il y avait des grands péchés et qu'il y avait les plus grands péchés et qu'il y avait des petits péchés. Il nous dit dans le recueil de l'imam Al-Bukhari et Muslim, Ala unabbi'ukum bi akbar al-kaba'ir. قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور. Ne vais-je pas vous informer des plus grands péchés, nous dîmes certes au messager d'Allah. Il nous dit donc le fait d'associer à Allah, le shirk, la désobéissance envers les parents et le faux témoignage. Et le faux témoignage. Na'ouzou billah. مِنَ الشِّرْكِ وَعُقُوقِ الْوَالِدَيْنِ وَشَهَادَةِ الزُّورِ. Puisse Allah Azza wa Jal nous préserver de toute forme de politisme, de toute forme de désobéissance envers nos parents, vivants comme morts, et de toute forme de faux témoignages. Le prophète alayhi salatu wa salam nous informe ici qu'ils sont les plus grands péchés. Allahul Musta'an. Où sont ceux qui ont du laxisme dans l'étude du shirk et du tawhid et qui disent et tawhid c'est bon, on connaît. Et tawhid c'est bon, on ne fait que nous rabâcher ce sujet. Pourquoi? La réponse est évidente. C'est le pire des péchés, c'est le plus grand des péchés. Le prophète sallam l'a enseigné, développé au meilleur des gens, les compagnons. Où sont ceux qui désobéissent à leurs parents, les méprisent, les regardent de haut, ne font pas entrer la joie dans leur cœur, n'en prennent pas soin, après que eux aient donné leur vie pour que nous venons au monde, pour que nous puissions grandir, pour que nous puissions être et devenir des gens de bien. Où sont ceux qui ont du laxisme dans les péchés de la langue et qui témoignent en disant vrai ou faux et sans se soucier des conséquences et des finalités? Dans un autre hadith, toujours dans le Bukhari et Muslim, le prophète alayhi salatu wassalam nous dit « Ijtanibu sab'a al-mubiqat »« Qila wa ma hunna ya Rasulallah »« Qala l'ishraku billah wa s-sihr » وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم وأكل الربا وتولي يوم الزحف وقذف المحسنات الغافلات المؤمنات. Éloignez-vous des sept péchés, al-mubiqat. Al-mubiqat et al-muhlikat, les péchés qui anéantissent. Les péchés qui, en général, lorsque le serviteur tombe dedans, il périt. Éloignez-vous des sept péchés qui anéantissent. Il lui fut dit, lesquels sont-ils au messager d'Allah? Il répondit, le polythéisme, le fait d'associer Allah, la sorcellerie, le meurtre, le fait de manger les biens de l'orphelin, c'est-à-dire spolier ses biens, lui voler ses biens, l'usure, ceux qui font des crédits avec des intérêts, iyadan billah, le fait de se sauver le jour, un jour de guerre, le fait d'accuser les femmes chastes, distraites et croyantes de fornication. On voit ici que le prophète alayhi salatu wassalam a décrit ces péchés comme étant les plus grands péchés. Dans un autre hadith, à nouveau rapporté par al-Bukhari et Muslim, سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ أَيُّ ذَنْبِي أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ. Quel péché est le pire chez Allah et le plus grave chez Allah? Qala an tad'a lillahi niddan wa huwa khalaqak. Il répondit, le fait d'invoquer un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Qila thumma ay. Il lui fut dit ensuite et après. Qal an taqtula waladak makhafatan an yut'ima ma'ak. An yat'ama ma'ak. Que tu assassines ton enfant de peur qu'il mange avec toi. Ceux qui tuent leurs enfants, ceux qui assassinent leurs enfants à la naissance. C'était une habitude de la période anti-islamique, wal'iyadu billah, particulièrement les filles. Mais l'islam a redonné la vie à la fille, à la jeune fille, à la femme, à l'épouse, à la mère, à la femme âgée, à la sœur. Naam. Qila thumma ay qala an tuzaniya halilata jarik. Ensuite, il dit que tu forniques avec l'épouse de ton voisin. فأنزل الله تعالى تصديقها والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Puis Allah Azza wa Jalla révéla le verset 68 de Sourate Al-Furqan. Ceux qui n'invoquent pas avec Allah d'autres divinités, qui ne commettent pas le meurtre et ne commettent pas la fornication. وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْكَبَائِرِ. Puis Ibn Qayyim rahimahullah nous dit que les gens ont divergé concernant les grands péchés. هَلَّ عَدَدْ. Est-ce que les grands péchés sont réunis dans une liste exhaustive. On peut les dénombrer, les énumérer, du début à la fin. Et sur cela, il y a deux avis. Certains disent que c'est avec la définition qu'on peut savoir les grands péchés, et d'autres disent avec l'énumération. C'est une liste exhaustive. Et l'avis prépondérant, Naam, l'avis prépondérant est de dire que tout péché où il y a une menace particulière dans ce bas monde ou dans l'au-delà est un grand péché. Tout péché rattaché à la mention d'une sanction dans ce bas monde ou dans l'au-delà est un grand péché. Puis l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous cite certaines paroles. Certains ont dit qu'il y en avait 4, d'autres 7, d'autres 9, d'autres 11, d'autres 70, et ainsi de suite. Certaines paroles sont les paroles des nobles compagnons, radiallahu anhum, d'autres de gens qui les ont, yani qui sont venus après eux. Et en réalité, en regardant les hadiths du prophète alayhi salat wa salam, on voit qu'il répondait selon la situation, selon le contexte, et que dans certains hadiths, il citait des péchés qu'il ne citait pas dans d'autres. Ainsi, on comprend que ce chiffre-là n'est pas visé en tant que liste exhaustive. Donc, tout péché pour lequel la mention d'une menace particulière a été faite entre dans les grands péchés. On peut trouver quoi, par exemple? On peut trouver « Allah maudit celui qui fait cela ».« Allah maudit celui qui fait cela ». On peut trouver « Ne fait pas partie des nôtres celui qui fait ça ». On peut trouver « N'est pas croyant celui qui fait cela ». On peut trouver « Allah ne regardera pas le jour du jugement dernier celui qui fait ça ». « Allah sera en colère ». « Allah ne purifiera pas à celui qui... »« Allah ne parlera pas à celui qui... » Tous ces textes-là nous montrent qu'il s'agit de grands péchés. « N'entrera pas au paradis celui qui... » Ou « Entrera en enfer celui qui... » Tous ces... toutes ces paroles nous indiquent que ces actions, ces paroles, ces croyances entrent dans les grands péchés. Les autres sont des petits péchés. Les autres sont des petits péchés. Sachez même que certains savants ont dit que certaines personnes ont dit, ou comme a dit Ibn al-Qayyim, il fut même dit qu'il n'y a pas de grands péchés et de petits péchés. C'est-à-dire on ne divise pas ainsi. Pourquoi ? Ils ont dit que tous les péchés, en regardant qui est désobéi, entre dans les péchés graves. Et du point de vue de celui qui est désobéi, c'est Allah l'immense, on peut dire que tous les péchés sont gravissimes. Car ils ont défié Allah Azza wa Jal et se sont rebellés contre leur Seigneur Tabaraka wa Ta'ala. Et il fut dit, ne regarde pas la petitesse de ta désobéissance, mais regarde plutôt la grandeur de celui auquel tu désobéis. Et après étude des textes, les savants nous disent que l'avis prépondérant est de dire qu'il y a des grands péchés, et il y a des petits péchés. Par contre, une remarque très importante, lorsque les savants disent petits, ça n'est pas parce que le péché est petit. Mais pour distinguer les règles relatives au péché, non pas pour le minimiser, on ne dit pas qu'il est petit pour le minimiser. Subhanallah, les péchés sont la cause de tout ce qu'on a étudié jusqu'à présent. De tout malheur, ou de quasiment, de la majorité des malheurs, des maux, des soucis, des afflictions, des tristesses et angoisses dans ce bas monde, et le châtiment de l'au-delà est plus grave encore. Donc il faut bien comprendre qu'il s'agit de distinguer les règles relatives entre les grands péchés et les petits péchés, ou aux grands péchés, aux petits péchés, et non pas de minimiser le péché. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne peut lui nuire. Si toutes les créatures se réunissent pour désobéir Allah azza wa jal, ça ne lui nuit en rien. Tout comme si l'ensemble des créatures se réunissent ou s'unissent pour faire du bien, ça ne lui ajoute rien à son royaume. Malgré ça, il a légiféré et nul ne peut repousser son décret. Selon les péchés, il y aura des conséquences. Donc au regard de ce qu'il constitue comme outrage, désobéissance et opposition à l'ordre d'Allah, ce sont des péchés majeurs. Naam, ce sont des péchés majeurs. Certains parmi les anciens disaient, ne regarde pas la petitesse de ta désobéissance, mais regarde plutôt la grandeur de celui à qui tu désobéis. Il y a donc des péchés qui sont pires que d'autres. Et étudier cela permet au serviteur de s'éloigner des pires péchés et ainsi de suite dans un ordre croissant. Pour finir ce passage, l'auteur rahimahullah ta'ala nous dit, enfin nous enseigne que la considération ou le manque de considération du péché peut aggraver ce dernier. Des facteurs peuvent aggraver le péché. Ainsi, le péché de celui qui délaisse l'accomplissement du pèlerinage alors qu'il habite à la Mecque, et celui qui n'assiste pas à la prière du vendredi alors qu'il est voisin de la mosquée, est pire auprès d'Allah que la désobéissance de celui qui délaisse cela alors qu'il réside loin. Car l'obligation s'appliquant au premier est plus grande. Si un homme détient 200 dirhams et ne s'en acquitte pas ou ne s'acquitte pas de la zakat, et qu'un autre détient 200 millions, et ne s'acquittent pas de la zakat, ils ne sont pas égaux dans le refus d'accomplir l'obligation qui pèse sur chacun d'eux. Mais leur similarité dans le châtiment n'est pas improbable, si tous deux persistent dans le refus d'acquitter la zakat sur leurs biens, qu'ils soient minimes ou importants. Dans le chapitre suivant, l'auteur rahimahullah ta'ala va nous parler de la grande question. Il va nous parler de ce que tout croyant et toute croyante, que tout homme et toute femme même ont l'obligation de connaître, d'étudier, d'appliquer et de concrétiser. Quelle est donc cette grande question? Cette question qui a été traitée dans le Coran, qui a été traitée dans la Sunna, et qu'on ne cesse d'entendre de la part de nos nobles savants et conseillers, de leurs héritiers, de leurs successeurs, de leurs élèves, et de tout noble conseiller. Cette grande question, mes très chers frères, est la sagesse pour laquelle Allah nous a créés, et les conditions pour se voir accepter chez Allah Azza wa Jal dans cette adoration. Il nous dit وكشف الغطاء عن هذه المسألة أن يقال إن الله عز وجل أرسل رسله وأنزل كتبه وخلق السماوات والأرض ليعرف ويعبد ويوحد ويكون الدين كله لله والطاعة كلها له والدعوة له كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وقال تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما وقال تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. Certes, Allah a envoyé ses messagers, a révélé ses livres, a créé les cieux et la terre afin qu'ils soient connus. Allah nous a créés et on nous enseigne deux sagesses. La première, pour qu'on le connaisse. Allah veut de ses serviteurs qu'ils le connaissent, qu'ils connaissent sa puissance, sa perfection, sa grandeur, sa miséricorde, sa générosité, sa mansuétude. La deuxième sagesse, pour qu'on l'adore, seul d'un culte sincère. Allah a envoyé ses messagers et révélé ses livres. Il a créé les cieux et la terre afin d'être connu, adoré et unifié. Et que la religion, l'obéissance et le prêche lui soient totalement voués. Il nous dit, subhanahu wa ta'ala dans surat al-Dhariyat, le verset 56, mémorisez-le. Et je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Voici la sagesse de la création. Voici pourquoi nous sommes là. Voici pourquoi je suis là. Voici pourquoi tu es là. Pour adorer Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Dans Surat al-Hijr, et nous avons créé les cieux et la terre et tout ce qui est entre eux qu'en toute vérité. Aussi, il nous a créé pour qu'on le connaisse. Pour preuve, le verset 12 de Surat al-Talaq, Allah est celui qui a créé sept cieux et autant de terres, c'est-à-dire sept, entre eux, ses ordres descendent, afin que vous sachiez. Pourquoi tout cela? Afin que vous sachiez qu'Allah est capable de toutes choses et qu'Allah englobe toutes choses de sa science. Dans Surat al-Ma'idah, le verset 97, donc la traduction des sens de tous ces versets. Allah est celui qui a créé sept cieux autant. Allah a fait de la Kaaba, la maison sacrée, un lieu où les gens l'adorent. Il a institué le mois sacré, les offrandes et les animaux de sacrifice, afin que vous sachiez qu'Allah connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et qu'Allah sait tout. Allah a donc mentionné que le but de la création et du commandement est qu'il soit connu par ses noms et attributs. Adoré seul sans qu'on lui associe quoi que ce soit. Et afin que les gens établissent la justice, qui est l'équité sur laquelle ont été fondés les cieux et la terre. Ça, c'est un passage très important qui regorge de science. qui regorge de science. Naam, c'est une mer et un puits de science duquel il nous faut nous abreuver et prendre autant de gorgées possible. Allah nous a créés pour ces deux grandes sagesses, pour qu'on le connaisse et pour qu'on l'unifie de par l'adoration. De par l'adoration. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. Dans Sourat al-Hadid, nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Donc Allah nous a créés pour la science et la mise en pratique. L'islam n'est pas qu'une religion de science. Et l'islam n'est pas qu'une religion d'adoration et de mise en pratique, mais plutôt une religion de science et de mise en pratique. Et l'ordre le plus important, c'est l'adoration d'Allah seul d'un culte sincère, et tawhid. Le fait de nous acquitter de nos devoirs, le fait de restituer le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et le pire péché est celui qui vient contredire cela. Al-shirku billah. La justice la plus grande, c'est tawhid. C'est la base de la justice. Quant au shirk, c'est la pire injustice qui vient annuler le tawhid. Et ce qui vient à l'encontre même de la base du tawhid et de la sagesse pour laquelle nous avons été créés, est sans aucun doute la pire des injustices. Par conséquent, le pire des péchés. Al-shirku billah. Et les péchés sont de différents niveaux et les grands péchés eux-mêmes sont de différents niveaux. Et le shirk est le pire des péchés. Et dans le shirk, même, il y a différents niveaux. Plus le péché vient à l'encontre du tawhid, plus il est gravissime. Celui qui médite cette base comprendra ou lui apparaîtra une partie de la sagesse de la législation d'Allah Azza wa Jal. Al-shirk vient à l'encontre de ce pourquoi Allah nous a créés. C'est pour cela que c'est le pire des péchés de manière absolue. À un point tel qu'Allah interdit le paradis à celui qui finit sur le shirk, qui donne un égal à Allah Azza wa Jal. Pourquoi ? Parce qu'il a vécu dans ce bas monde, dans les bienfaits d'Allah, sans s'acquitter du droit suprême d'Allah. Il n'a pas répondu à l'appel d'Allah Azza wa Jal. On n'acceptera pas de lui d'excuses le jour dernier. Il ne pourra tirer profit de l'intercession. Il ne pourra la recevoir, ni même la recevoir. C'est le plus ignorant des droits d'Allah Azza wa Jal. Du fait qu'il a pris la créature faible et besogneuse et l'a élevée au niveau du Créateur et riche, est parfaitement suffisant. Et ceci est le summum de l'ignorance. Tout comme c'est le paroxysme de l'injustice. Même si en réalité l'associateur n'a pas fait de mal à son Seigneur, il s'est fait du mal qu'à lui-même. Il s'est opprimé que lui-même. Dans le chapitre suivant, l'auteur nous parle du polythéisme. Et nous dit وقعت مسألة وهي أن المشرك إنما قصده إنما قصده تعظيم جناب الرب تبارك وتعالى، وأنه لتعظيمه أو لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائط والشفعاء. Écoutez bien, cette question, elle est يعني subtile. Et aussi, l'auteur nous enseigne la cause qui a fait plonger les associateurs comme Kuffar Quraysh dans les profondeurs abyssales du polythéisme. Pourquoi est-ce qu'ils ont adoré autre qu'Allah ? Alors qu'ils reconnaissaient qu'Allah était le seul créateur, le seul propriétaire, le seul gérant des cieux et de la terre. Pourquoi alors ont-ils adoré autre qu'Allah ? En quoi est-ce qu'ils sont polythéistes ? Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit ils sont tombés dans une ambiguïté qui est ils ont voulu immensifier le Seigneur et se sont dit Allah est tellement immense qu'on ne peut entrer directement chez lui. On ne peut directement se rapprocher de lui. On ne peut directement l'adorer et s'adresser à lui et l'invoquer. Il nous faut plutôt passer par des intermédiaires, passer par des intercesseurs, en leur donnant de l'adoration, en les vénérant, eux, à leur tour, élèveront notre demande à Allah. Allah est bien trop élevé. Allah est bien trop grand et immense pour qu'on puisse lui demander directement. Comme les rois de ce bas monde, ceux qui sont inaccessibles, nous devons passer par leurs ministres et leurs ambassadeurs pour les atteindre. C'est ainsi qu'ils ont fait ressembler Allah à la créature de ce bas monde. Comprenez bien cette ambiguïté. Barakallahu fikoum. Pour plus de détails, vous pouvez revenir à un livre qui s'intitule Les quatre règles. Les quatre règles, les qawa'id al-arba'a. Donc, l'associateur est associateur, bien qu'il n'ait point visé le manque de respect du Seigneur des mondes. Son but, son souhait était bien au contraire de l'immensifier, mais l'ignorant fait à sa personne ce que son ennemi ne réussit pas à lui faire. Subhanallah. Donc, l'ignorant, l'associateur dit « Innama a'budu hadhi al-wasa'it litqarribani ilay wa tadullani wa tadkhulani alay. » Allahu Akbar. L'ignorant, l'associateur dit « Je ne fais qu'adorer ces intercesseurs, ces intermédiaires, afin qu'ils me rapprochent davantage d'Allah, afin qu'ils m'indiquent le chemin qui mène à Allah, afin qu'ils me fassent entrer auprès d'Allah. » Voici leur but. Pourquoi alors ? Falima kana hadha al-qadr mujiban li sakhatihi wa ghadabihi tabaraka wa ta'ala mukhallidan fi an-nar mujiban li safki dima'i ashabihi. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit : pourquoi alors, malgré cette intention qui est d'immensifier Allah, pourquoi est-ce que ce polythéisme a engendré la colère d'Allah Azza wa Jal sur eux et le fait qu'ils s'éternisent en enfer? Pourquoi? C'est ce que va détailler ici l'auteur rahimahullah ta'ala. Cette religion est venue nous légiférer, nous enseigner et nous orienter vers ceux qui ont concordance avec la saine nature, la prime nature et la raison saine. Ceci était leur intention. Pourtant, Allah Azza wa Jal nous informe que c'est le seul péché qu'il ne pardonne pas, le shirk. Dans Suratu An-Nisa, dans deux versets, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelque associé que ce soit. Et en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Médite et réfléchis. Cherche pourquoi est-ce qu'ils ont encouru la colère d'Allah. Et pourquoi est-ce qu'ils risquent de s'éterniser en enfer s'ils finissent sur cela. Ainsi, tu comprendras quelle est la différence primordiale, quelle est la différence primordiale et essentielle entre un monothéiste et un polythéiste. Entre celui qui connaît réellement Allah et celui qui ignore véritablement Allah. Entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. L'auteur, pour répondre à cette question ô combien importante, cherche l'aide auprès d'Allah et nous dit فنقول وبالله التوفيق والتأييد ومن هنا استمد المعونة والتسديد فإنه ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عبادة ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. طيب ابن القيم رحمه الله تعالى نودي il y a deux sorte de shirk. Il y a deux sortes de shirk. Un polythéisme lié à l'essence de l'être adoré, ses noms, ses attributs et ses actions. Et un autre polythéisme qui est dans l'adoration d'autre que Allah Azza wa Jal. Dans la relation avec Allah Azza wa Jal. Même si celui qui le pratique, c'est du polythéisme, et c'est un associateur, même si ce dernier a pour conviction que cet être, cet autre être adoré, n'est pas similaire à Allah, n'est pas égal à Allah. Ici, Ibn al-Qayyim détaille et nous montre l'importance de ce sujet. Il nous faut donc comprendre ce qu'est le tawhid, mais également ce qu'est le shirk. Il faut étudier le bien pour l'appliquer, mais connaître également le mal pour s'en prémunir et s'en éloigner. N'est pas sur la voie du Coran, de la sunna, n'est pas sur la voie de la raison saine et de la sagesse. Celui qui dit, enseignez aux gens le bien et taisez-vous face au mal. Le fait de se taire sur le mal a donné naissance à beaucoup de groupuscules qui se sont égarés dans les labyrinthes de l'innovation. Des labyrinthes de l'innovation, ils sont tombés, certains, dans diverses sortes d'extrémismes, que ce soit le terrorisme, ou d'autres innovations. Donc on voit bien que d'une petite innovation, la personne peut tomber dans des choses gravissimes. Et que le silence face à ces innovations rend coupable les connaisseurs, les érudits, d'avoir tué la vérité et d'avoir trahi la responsabilité. Concernant la première catégorie, Il y a shirku ta'til, il y a le fait de renier Allah Azza wa Jal. C'est la pire forme de shirk, celle dans laquelle est tombé Pharaon, qui a dit Wa ma rabbul alamin, et qu'est-ce que le Seigneur des mondes, comme dans Surat Shu'ara. Il a dit à Haman, comme dans Surat Ghafir, Wa qala Pharaon ya Haman ibnu li sarhan la'alli ablugha ablugha al-asbab. أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. فرعون a dit à Haman, bâtis-moi une tour, peut-être atteindrai-je les voies des cieux et apercevrai-je la divinité de Moussa, mais je pense plutôt que c'est un menteur. Ce shirk-là, c'est le fait de renier l'existence du Seigneur subhanahu wa ta'ala, même si en réalité, dans leur fort intérieur, ils savent qu'il y a un créateur. Donc, celui qui est dans le shirk reniera forcément. Et celui qui renie sera forcément dans l'association. Mais sachez que certaines personnes reconnaissent qu'Allah est le créateur, le maître, le propriétaire. Malgré ça, ils adorent avec lui autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Et c'est le shirk de la plupart des gens. Ils ont renié le tawhid, mais n'ont pas renié l'existence du créateur. Certains ont renié les noms et les attributs. Certains ont renié l'existence même du Créateur Tabaraka wa Ta'ala. Et d'autres ont renié les droits du Seigneur Subhanahu wa Ta'ala en associant autre à lui. À l'image de certains qui ont atteint le paroxysme de l'égarement, ils disent que tout ce qu'il y a dans l'univers, c'est Allah. Donc tout ce que tu adores, tu adores. Dans tout ce que tu adores Allah. Et ça, c'est un égarement qui n'a pas été atteint, si ce n'est par une minorité. Et je ne sais comment les qualifier. D'autres ont dit que l'univers a toujours existé, qu'il existera toujours. Ils ont parlé de la création, comme on parle du créateur Tabaraka wa Ta'ala. Ce qui vient à l'encontre même de la raison saine et de la religion, bien évidemment. Il y a le shirk de ceux qui ont dénaturé les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal au point de les renier, comme Al-Jahmiyyah et autres. Ainsi, en les écoutant, chose que tu ne feras pas, tu remarqueras qu'ils décrivent la créature comme étant plus parfaite que le créateur Tabaraka wa Ta'ala. La deuxième catégorie de polythéisme, donc la première c'est le fait de renier Allah Azza wa Jal ou de ses perfections. La deuxième catégorie, c'est shirku man ja'ala ma'a Allah ilahan akhar wa lam yu'attil asma'ahu wa sifati. Donc la deuxième catégorie, c'est le fait d'attribuer le culte à Allah mais aussi à autre que lui. Donc de prendre une autre divinité avec Allah Azza wa Jal, même si il lui reconnaît ses noms, ses attributs et sa seigneurie. Comme ceux qui ont adoré des prophètes, comme ceux qui ont adoré des messagers, comme ceux qui ont adoré des anges, et ainsi de suite. Ou alors comme ceux qui ont rattaché le bien à la lumière et le mal aux ténèbres, ce qu'on appelle El Majus. Ou comme Al-Qadariya, qui disent que le serviteur est le propre créateur de ses œuvres et qu'il n'est pas soumis au destin dans ce domaine. Comme Al-Nimrod, celui qu'Ibrahim a.s. a mis en déroute lors du dialogue dans Surat Al-Baqarah, « Wa idh qala Ibrahim Rabbi alladhi yuhyi wa yumit » Lorsqu'Ibrahim lui dit, « Mon Seigneur, à moi, c'est celui qui donne la vie et la mort. L'homme a répondu, moi aussi je donne la vie et la mort. Puis Ibrahim alayhi salam lui a dit que mon Seigneur fait venir le soleil du levant et il se couche du couchant de l'est et il se couche à l'ouest. Inverse-toi cela. Naam, et il n'a pu poursuivre le débat. D'autres encore adorent les constellations et les étoiles et ont comme conviction la réincarnation des âmes dans ces dernières et d'autres égarements encore. Tous ces gens-là adorent à autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Et tous ces gens-là prétendent que leur divinité est la vraie divinité. Et tous ces gens-là prétendent que leur divinité est la plus grande des divinités. Et certains disent qu'Allah est le plus grand, mais qu'ils adorent ces fausses divinités pour qu'elles les rapprochent davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ مَا لَا يَضُرُّهُمْ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Et ils adorent en dehors d'Allah ce qui peut ni leur être nuisible ni leur être profitable. Et ils disent, ceux-là sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dis, allez-vous informer Allah de ce qui ne peut être ni dans les cieux ni sur la terre? Exempt soit Allah de ce qu'il lui accorde comme associé. Donc, prendre des intermédiaires dans le culte entre nous et Allah Azzawajal, c'est du shirk. Et c'est le shirk qui a valu aux associateurs de Quraysh d'être des associateurs. D'être des associateurs. Donc, toutes ces formes-là entrent dans le shirk. Et on doit s'en éloigner sans faire de distinction. Et tous les prophètes et messagers sont venus pour nous dire « Ya qawmi i'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh » et ceci était leur mission. Donc, ou enfin, on a bien compris que le shirk, c'est le fait de prendre le droit d'Allah et de l'accorder à autre que lui, en se rapprochant de lui par des actes d'adoration, ou de renier la perfection d'Allah tabaraka wa ta'ala ou son existence. Et c'est pour cela que tous les prophètes et tous les messagers sont venus, afin qu'on adore Allah seul d'un culte sincère, et que de l'enfer, Naam, on soit sauvé et qu'au paradis on puisse entrer. Wa sallallahumma wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Walhamdulillahi rabbil alamin.